Que je sens en moi-même. Et ce que je sens en moi, je vois que c'est mes réalités, quoi. C'est ce que j'ai envie, quoi. Parce que moi, je n'ai pas quelqu'un qui aime le matérialisme ou la bonne vie. Tout ça, j'ai un peu douté quand même, mais je n'ai pas eu des raisons dedans, quoi. Je vois même ça m'exploite. Ça récupère plein de choses sur moi. Alors, dès que je me suis dit que dans la vie, je n'ai pas ici pour manger et dormir. Peut-être la mission s'agit d'une certaine chose. Quand je me suis découvert utilisant mon cerveau propre, ça m'a donné qu'il y a une autre position quoi, quand tu termines de souffrir ici dans cette terre. Et pourquoi j'ai assez de vivre la bonne vie en train de t'esprit tard avec le monde. Parce que je ne vois pas des raisons là-bas, quoi. Il y a beaucoup de trompés, beaucoup de mensonges. Tu as vu? On voit ce que tu en as, ou ce que tu es, ou ce que tu es capable, quoi. En fait, c'est l'intérêt là-bas, quoi, je voyais. Alors quand je me suis sorti là-bas, je dis qu'il faut que je pense sur les réalités que qui m'a posé sur terre, quoi. Et moi, dans mes vérités que je vois, il y a une autre vie, quoi. Mais cette vie-là, il faut que tu saches que, qui tu es, quoi. Pourquoi tu es là, qui tu es. La mission s'agit de quoi, la termination sera quoi. Alors là-bas, tu vas voir qu'il y a une autre vie dès que tu termines ici. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu vas dire que c'est ici, c'est fini, c'est vrai. Parce que dès que tu termines, peut-être tu ne seras même pas aligné pour retourner sur terre. Parce que les gens vont et viennent, quoi. Les bébés nés, les gens morts, les vieux. Le temps fini, tu pars, il y a un autre bébé qui vient. Alors on dit le fond du monde. Quand le fond, le fin du monde. On est des années, on est là sur terre. Quand on dit le monde, c'est nous-mêmes. Alors ce que les gens croient, on croit que la nature, la force de la nature, il va piler le sable et les tripes et met ça. Si on arrive à dépasser les limites, peut-être parce que si on dit la nature, c'est nous-mêmes. Mais on abîme même la nature parfois, dans notre intelligence, quoi. Parce que parfois notre pansement, il nous amène loin. On croit qu'on répare, mais on gaspille. On gâte, tu as compris. Alors avec ça, cette vie-là, on est déjà là, on va continuer à vivre. C'est comme des examens. C'est comme des examens, tu fais des bonnes choses, tu gagnes des bons. Et quand tu termines, tu sais que cette vie-là, ça existe, tu sais qui tu es, pourquoi tu es là, la mission s'agit de quoi. Tu vas déclencher, tu vas sentir que tu es déclenché, et la position que tu vas avoir encore, tu vas sentir là-bas. Et tu vas sentir d'où tu étais et d'où tu vas aller encore. Alors ça termine jamais, on est là, ça termine jamais, ça a déjà commencé. Dès qu'on dit le monde, c'est nous-mêmes. Quand on était déjà là, on entend le monde. Mais quand il y avait des animaux et tout ça, il n'y a personne qui entendait le monde. Et pourtant, il y avait des vivants, parce que l'animal, il vit. Il sent comme on sent quand il le fait mal. Alors, nous, on est complet à la condition de là. Parce que moi, le Dieu, quand je dis le Dieu, je le vois sur moi-même. Le Dieu que je parle, tout ça, je ne sens pas d'ailleurs. Le Dieu là, je le vois sur moi-même, parce que tout ce que je peux faire, que ça soit des positifs, c'est moi-même, tu as compris. C'est pour cela qu'on dit le mal, le mauvais, mais pour moi, ça existe même pas, c'est la dimension, état sur état on dit, état sur état. Et état sur état là, c'est dans les mentalités, c'est dans les cerveaux propres, c'est là-bas qu'on a des dimensions. C'est pour cela, si on dit aider, c'est pas donner la nourriture. Non, non. Il est là, tu vois son intelligent, il est comme ça, ton intelligent. Si tu veux aller pour combiner, descendre à son niveau, tu combines, tu le sers des choses. Si... Parce que c'est Dieu qui accepte, c'est Dieu qui refuse, quoi. Et le Dieu, c'est toi, c'est moi-même, c'est nous. Ça commence son Dieu. C'est toi le Dieu, quoi. Alors, avoir combiné la personne et lui faire des bonnes choses à ses raisons, à ses réalités, dans cette vie commune. Tu descends de son niveau et là-bas tu contactes, tu combines avec, tu essaies de changer avec lui des choses, quoi, des valeurs. Tu as compris? Alors là-bas tu peux avoir la personne, mais quand tu dis que je suis dans mon niveau, lui il est bas, son niveau il est là, parce que c'est comme des escaliers. Dans cette vie qu'on veut nous les humains, quoi. Alors là-bas, pour aller aider la personne de son niveau, s'il veut, quoi, si c'est une trip complet, quoi, parce que tout c'est complet. Dès que c'est complet, c'est complet. Mais si c'est pas complet, c'est pas complet, quoi. Alors tu faut que tu ailles sur le niveau et tu as vu, en train de négocier. Il n'y a même pas négocier, parler, discuter, comme on fait comme ça. Essaye de savoir la position de la personne, de quoi il demande, de quoi il applique, comment il peut pousser. Et là-bas, tu peux commencer à aller dans le Tiami. Après, il a commencé à manipuler, comme je t'ai dit, suivi les choses comme il faut. Et là-bas, il a trouvé la réalité, quoi, de la vie. Parce que Tiami, pour moi, si je calcule la couleur, tu peux devenir quelqu'un qui te bloque, quoi. Parce que ça n'existe pas la couleur, tu as compris. Parce que moi, dans mon trip, je vois, Dieu sait, plein de couleurs que tu ne peux même pas séparer une couleur comme ça. Tu as compris? C'est des couleurs mélangées comme ça. Quand tu regardes, tu ne peux même pas séparer une couleur. Alors les couleurs, ça n'existe pas. Tu as compris? Ce qui existe, c'est la personne de... Des personnalités, quoi, qui comprend, quoi, tu as compris. Regarde-moi, je viens d'Afrique aussi, en Belgique, demain, je ne sais pas de quel pays je vais aller. Alors, je missionne, on n'habite nulle part. On est sur terre, mais on est en train de missionner. Mais quand tu comprends qui tu es, de quoi ça s'agit la mission, pourquoi tu es sur terre, tu peux aller n'importe où, tu peux. Tu as vu, partout, quoi. Parce que quand tu arrives là-bas, directement, ça va te brancher. N'importe où, tu vas avoir le branchement directement parce que c'est toi-même. c'est plus de l'argent qui t'amène ou des billets ou des gens qui te protègent, c'est toi-même. N'importe où tu peux aller, tu es dedans, tu es à l'intérieur parce que tu sais qui tu es, pourquoi tu es là, ça c'est quoi, tu as compris tout ça quoi. Et tu vois d'ailleurs que les gens ne voient même pas. Là-bas tu es calme. Et c'est pour cela l'invisible, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, allez, ça c'est ça. Et avec mon intelligent pro, directement il a capté les choses quoi. Avec l'élément là qui m'a branché. Lui aujourd'hui, je peux même avoir d'argent, je lui donne, tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a mis dans le monde que je ne pensais même pas que je peux avoir ce monde quoi. Et c'est le monde que j'ai en train de parler avec toi. Il est là, je le vois comme tu le vois. Tu as compris? C'est pour cela que tu peux même dire qu'on voit le Dieu. Parce qu'on voit le Dieu, c'est quoi? Quand tu arrives à avoir les visions derrière les visions des gens, quoi. Tu vois les sources, c'est pas des trucs de mystique ou diables. Non, tu es dépassé ça. On va te suivre même pour récupérer avec toi. Ce qu'on dit, les diables, les trucs là, tout ça, ça n'existe même pas. C'est des trucs qu'on calcule dans la tête. C'est pour cela que je dis, quand on dit le mal, le mauvais, ça existe. C'est l'intelligence de la personne. C'est des trucs que tu fabriques avec ta tête. Il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est mal. Quand tu le dis, c'est toi-même qui est comme ça, quoi. Ce que je vois, quoi. C'est toi qui n'es pas tout, c'est toi qui vois tout nickel. Et à la fin, tu le tiens nickel, quoi. Proprement, tout, il n'y a rien qui est ça. Tout est propre, tout est clean. Et il faut que tu arrives à comprendre ce que je te dis, quoi. Moi, je ne vois pas la personne comme ça et j'ai mal, j'ai effacé avant, oui, mais maintenant, je peux même pas faire la personne mal. Si tu me tapes, je te regarde, mais calcule que tu es en train de me menacer. Est-ce que la force, il ne vient pas te vaincre parce que tu as vu, tu m'entraînes toi. Et ce que tu m'entraînes, c'est toi, c'est moi-même. Tu as compris? Alors, je te dis, il y a un moment, parce que moi, je ne peux pas, j'aimais la vie, mais maintenant, la vie, ce que je vois, c'est. Tu as vu, me réparer, quand je te dis me réparer, c'est comme je t'ai dit. Je vois les gens comme ça, mais je suis content, mais je vois qu'on n'est plus le monde qui a eu. Et ça, c'est abandonner tout qui m'a donné, mais si je n'avais pas abandonné. C'est pour cela que les musulmans disent les satans et les trucs là. Quand tu le dis, il est sur toi déjà, quoi. Mais pour le quitter, comment tu peux faire? Ce qu'il aime lui-même, tu le laisses avec. Ici, ce que tu aimes, et ce que tu aimes, c'est toi-même. Aimer-toi, c'est pas aller laver une bonne douche, mais des bonnes habits. D'avoir les bonnes bagnoles, une bonne maison, c'est pas aimer à toi-même. Aimer à toi, savoir pourquoi tu es né, pourquoi tu es sur terre. Et quand on dit le Dieu, les gens regardent en haut, on dit non, mon Dieu, il existe pas, il est grand, il est petit. Il est grand, il est petit, tu ne peux pas l'imaginer. Il y a grand, il y a petit. Il y a tous les modèles. Alors, il est là où c'est un truc, comme je t'ai dit, chrène quoi. Quand tu le regardes dans les couleurs, plein de couleurs que tu ne peux pas se séparer, dans les tailles aussi, c'est la même chose. Alors, c'est pas un truc que tu dois imaginer que tu le vois partout. C'est ce que tu regardes, tu vois et tu te confirmes, toi. De ce que tu vois et tu sens, ce que je vois, c'est ça. Sa formation. Il s'agit de ça. Il te donne quelque chose, quoi. Parce que moi, tout ce que je regarde sur terre, maintenant en vie, il me confirme. Tout ce que je vois, je peux même parler s'il n'a même pas la bouche. On peut même combiner, on peut même travailler. Mais tout ça, c'est dans l'intelligence. Alors, ce qui est sale pour moi, c'est quand tu es erré, qui tu es. C'est juste ça, moi. Ce qui n'est pas bon, quand tu es erré, c'est qui tu es. Pourquoi si tu es sur terre? Parce que les gens négligent de ça, mais c'est une trique. français, c'est important. On n'est pas là pour, comme ça, comme ça. Tu vis, tu manges, tu dors, après tu es parti.